Alors si tu veux, tu peux poser, hein. Oh, si tu veux, tu poses. Si tu veux, tu poses. Ah, ouais, là où il vient.